plus, je n'ai plus de sang. Je t'avais mis un petit peu en solo, je voulais t'excuser. Cherche tes sons.